La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99$. Un rabais de 70%. Panneau solaire de marque Cristallin avec rabais de 330$. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2345. Ça a bougé pas mal chez les Saguenay de Chicoutimi. Notre collaborateur Michel Tifo ainsi que Dominique Bolduc ont parlé avec le directeur général et entraîneur-chef Yannick Jean pour expliquer toutes ces transactions. Donc, on écoute l'entrevue de Yannick Jean sur les ondes de CKG. Il est 16h18. Là, c'est terminé les échanges dans la Ligue junior majeure du Québec. On va en parler avec le directeur général et l'instructeur des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Yannick, bonjour. Bonjour. Yannick, un beau jeu de cartes en passant. Jeu de cartes, ça veut dire les choix de repêchage. Mais on va demander à Yannick de nous expliquer ça tantôt. D'abord, Yannick, hier matin, tu as réussi à emmener un jeune qui était dans les premiers choix de repêchage, William Dufour. Explique-nous l'échange. Ben, premièrement, on faisait partie des pourparlers de l'échange là, de Noah Dobson depuis l'échange de Lee Galipo l'an dernier. On voulait ajouter un joueur de la trempe d'âge. En premier lieu, on voulait ajouter un joueur de la trempe d'âge là, des Lapierre et des Rochettes. Dufour a été sélectionné au sixième rang au dernier repêchage. C'est un attaquant de puissance, ce qui est différent justement des deux que je vous ai nommés au préalable, que nous, on avait eu la chance et le privilège de repêcher. Donc, c'est un troisième joueur là, de 16 ans d'impact qui vient se greffer à notre formation. Donc, c'est un échange, c'est un retour important pour nous par rapport là, justement là, à l'échange là, de Noah Dobson. Yannick, cette transaction-là, bon, on sait dure depuis l'an dernier avec l'échange de Roubsov, de Galipo et tout ça. Est-ce qu'il y a déjà été question que Noah Dobson s'aligne avec les Saguenay de Chicoutimi? Bien, comme probablement il y a été question qu'il s'aligne avec toutes les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais tu sais, lorsque tu regardes, tu analyses la situation comme il faut, est-ce que tu peux prendre le risque de payer pour Noah Dobson pour un an et demi de hockey et par la suite se retrouve chez les professionnels l'automne prochain. C'est un risque qui est énorme. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, de notre côté, c'était mieux là, de faire de procéder comme ça. Là. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou d'autres choix ou d'autres compensations à recevoir dans l'échange de Galipo et Roubsov? Je ne suis pas capable. Versus Acadie Batters? Oui. Non, pas du côté d'Acadie Batters. Mais du côté de quelle équipe comme ça? De Rouyn-Noranda? Du côté de Rouyn avec l'échange des choix? Avec Rouyn-Noranda, il y a beaucoup de choix impliqués dans la transaction. Oui. OK. Je ne suis pas capable de vous dire avec certitude que l'échange est final. Maintenant, là, on va falloir attendre, là, comme on l'a fait là, du côté de Galipo, pour voir s'il pourrait découler d'autres choses là, dans le futur. Comme par exemple l'acquisition de Justin Ducharme après la saison, comme vous avez fait l'été dernier. Oui, ça peut être un exemple. Okay. C'est un bon exemple. L'an dernier, lorsqu'on s'est assis il y a un an là, avec les médias pour expliquer l'échange d'Olivier Galipo, on a pensé de faire à croire n'importe quoi aux gens, de dire regardez, l'échange est final. Ça se pourrait qu'il y ait des choses qui en découle, comme il y a des choses qui ont découlé. Là, mais rien de confirmé. Je sais que tu n'es pas peureux, Yannick, mais je ne t'ai pas trouvé nerveux hier d'échanger Boutillier quand Schenk est blessé. ça, c'est un bon point, mais puis c'est en plein... la petite nervosité qu'on avait, oui, on l'a éliminé en le faisant pas jouer hier. Il était à 100% hier, okay, mais n'avait pas pratiqué de la semaine. On voulait pas justement risquer une nouvelle blessure, étant donné qu'il n'avait pas vu de lancer de la semaine en entier. Tu sais, Schenk est à 100%, va être sur la patinoire demain là, avec le reste des équipes qui vont pouvoir prendre à l'entraînement. Mais on se devait là, d'être ultra prudent dans son cas, étant donné qu'on avait procédé à l'échange de Boutillier dans l'avant-midi. Si on n'aurait pas procédé à l'échange de Boutillier, probablement que Boutillier ou Schenk auraient gardé le match. puis l'autre aurait été assis sur le banc. Mais on se devait d'être là, justement, là, ultra protecteur dans ce cas-là. Étant donné que c'est compliqué, les échanges, puis tu le confirmes, il y a peut-être encore des autres affaires à venir dans le futur, là, mais pour le prochain repêchage, pour démêler un petit peu les partisans des Sags, là, qu'est-ce qu'on a en main? Je sais que tu as un tableau, tu as peut-être les papiers sur ton bureau. Qu'est-ce qu'on a en main comme choix de repêchage au premier et au deuxième tour en 2019? Je pense que tu es équipé pour le camping. C'est là que je disais tantôt que tu as un bon jeu de cartes, là. Pour 2019, on a le choix de Rouyn Noranda de première ronde. Ça, c'est à nous. C'est vrai qu'on va repêcher. On a également le choix d'Acadie Bathurst en deuxième ronde, qui en ce moment est le premier choix de la deuxième ronde. Donc, il est quasiment un autre choix de première ronde. Oui. Puis, on a là, le choix de Gatineau. Des Olympiques de Gatineau qui s'est transformé, pour lui, là, de Sherbrooke. Donc, on a deux choix de deuxième ronde pour l'instant, puis un choix de troisième ronde. Mais il n'est pas exclu encore là qu'il y ait peut-être de ces choix de deuxième et troisième-là qui bougent au prochain repêchage. OK. Puis pour 2020, on a encore un choix de première ronde qui va être celui de Rouyn Noranda. On a deux choix de deuxième ronde. Puis, en 2021, là, c'est la même situation. Un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde encore. Donc, on a réussi à améliorer notre équipe à court terme, énormément à moyen et long terme. Puis, en plus, on va pouvoir continuer de repêcher dans les prochaines années, qui n'est pas possible pour beaucoup d'équipes qui désirent s'améliorer Si on prend l'exemple de Drummondville, c'est ce qu'ils ont fait cette année pour grossir leur équipe. Ils ont vraiment vidé. Vous avez pris un peu l'exemple des Olympiques de Gatineau, des très bonnes années où ils étaient compétitifs à chaque année, puis il y avait toujours de très bons choix au repêchage. Oui, exactement. Gatineau, par contre, c'était un petit peu différent parce qu'ils étaient capables d'aller chercher à ce moment-là, dans ces années-là, souvent le meilleur joueur disponible ontarien. Oui, c'est vrai. Les agents libres, on se rappelle des Claude Giroux, des Paul Byron. C'est des joueurs qui s'étaient alignés avec les Olympiques, qui n'avaient même pas eu besoin de repêcher. Mais oui, à une époque, là, les Olympiques là, avaient beaucoup de choix au repêchage, puis ça leur permettait d'avoir une bonne équipe année après année. Exact. J'étais content hier midi quand j'ai vu que Groslo n'avait pas été changé. Je me suis dit, c'était un bon général en défense, puis l'an prochain, ben, peut-être qu'il sera le joueur de 20 ans, c'est à toi de décider. Là. Mais est-ce que tu as eu des offres intéressantes pour Groslo? Pas à la valeur que nous, on considère Jérémy. Jérémy, pour nous, il a été repêché par les Saguenay en première ronde il y a ça 4 ans. C'est sa 4e année avec nous. Et le général, là, défensivement pour nous, joue contre les meilleurs trios depuis qu'il a 16-17 ans adverse. Puis, tu sais, pour nous, des fois, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils commencent. Il faut qu'ils terminent leur carrière avec une équipe. Dans le cas de Jérémy, c'est assuré qu'il va terminer sa carrière ici. Maintenant, s'il va terminer cette année à 19 ans et graduer chez les professionnels ou revenir comme joueur de 20 ans, bien, les deux options sont plausibles. Puis de là, l'importance pour nous là, d'avoir encore Jérémy avec nous pour la fin de la saison. Puis c'est peut-être là, l'année prochaine également. Bon, dans les buts, on a Schenk. Le jeune d'hier, j'ai trouvé bon. Qu'est-ce qu'on a dans l'organisation des Sags dans le net? On avait beaucoup de gardiens de but là, dans les rangs collégiales et midget 3. On voulait pas faire graduer un jeune là, comme Jérémy Bergeron, là, qui est probablement le futur là, dans les filets pour nous. À seulement qu'à l'âge de 16 ans, ça doit de voir l'action dans le midget 3. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? C'est qu'on a réclamé Daniel Moody, qui était l'auxiliaire de Olivier Rodrigue en première moitié de saison, avec les Voltigeurs de Drummondville. Okay. On l'a réclamé sur la période là, de réclamation obligatoire, là, ce qu'on dit les waivers. Les waivers. Donc, c'est un joueur là, qui a rien coûté, qui va s'aligner avec nous comme auxiliaire à Schenk jusqu'à la fin de la saison. Liam Murphy, pourquoi cette acquisition-là? En première moitié de saison, on a dit qu'on voulait jouer nos joueurs, qu'on voulait bien les encadrer. On veut que nos joueurs là, qui les supportent, qui les encadrent, soient plus physiques. On a échangé Sutton, on a échangé Degagné. C'est des joueurs qui nous ont rendu de bons services. pour faire l'acquisition de Murphy, pour faire l'acquisition de Dufour, pour faire l'acquisition et pour amener avec nous Labrec également. On voulait être plus physique, on voulait être meilleur dans nos batailles un contre un le long des rampes, être meilleur sur la route qu'on l'a été en première moitié de saison. De là, l'arrivée de quelques plus gros bonhommes qui n'ont pas nécessairement coûté de choix au repêchage pour qu'on puisse s'améliorer dans cette phase. Yannick, en terminant, on va regarder ce qui se passe à l'infirmerie. Tu nous as dit que Schenk était prêt à 100%. Il y en a plein d'autres qui sont blessés. Kotkov, ça revient au jeu quand, ça? Kotkov, ça devrait pas tarder. C'était plus par précaution, passer un IRM là, ce matin pour un genou, mais on a eu le résultat déjà. Il n'y a pas d'anomalie de ce côté-là, donc il y a peut-être seulement que là, une bruise, comme on dit, là, un ecchymose. Par la suite, Niazef passe un IRM également aujourd'hui là, pour une main. On devrait avoir les résultats dans les prochaines heures. Du côté de Fortin, blessure à l'aine, c'est peut-être là, un point incertain pour la fin de semaine. Puis du côté de Lavigne, c'est certain qu'il n'est pas prêt à revenir encore au jeu. Là, le dernier joueur là, qui était absent, c'était Hendrix Lapierre, à cause de la gastro, va sûrement être en alignement le jeudi. Eh bien, on va jaser avec le vice-président des SAGS, le vice-président hockey, Marc Denis, dans les prochaines minutes. Ce soir, c'est notre spécial des SAGS, étant donné que ça a bougé beaucoup hier. On va te souhaiter une bonne fin de saison, Yannick, puis le meilleur est à venir. Hey, merci beaucoup. Merci. Yannick Jean, le directeur général des SAGS. Le Canadien joue ce soir.